Yeah. One, two. Juste pour vous dire que ce son n'a absolument aucun sens. Ce son n'a pas de thème. Ce son est sans thème. La mala, c'est pas pour petit, faut muscler ton dos. T'as pas de chez toi, mais tu nous cries, l'alcool c'est de l'eau. La vie, ça va beaucoup trop vite pour vivre en slow-mo. Millionnaire à 27, piriche, Dieu m'a nédo. Si c'est pas pour réinvestir, je te donnerai zéro. Pour ma mou, je me suis enrichi, je suis son super-héros. Si tu donnes ton cœur à autrui, répète-lui ces mots. Ce que t'as là, ça n'a pas de prix, Kebanayo. Si elle tape du vice, ton tu que tu pèses. Dans toutes les secours, faut qu'elle fasse un malaise. Elle sait twerker sans trop se lever de la gèse. Juste poser les yeux sur elle, ça m'appelle. Qui peut te dire t'as pas raison? Si tu réussis ta vie, ça veut dire t'avais raison. Le rêve africain, c'est Phoebe, des petits, une femme qui t'auro. T'as des mannequins à Queen Bee ou Nikki pour les Masoko. Yeah. Qui peut te dire t'as pas raison? Si tu réussis ta vie, ça veut dire t'avais raison. Le rêve africain, c'est Phoebe, des petits, une femme qui t'auro. T'as des mannequins à Queen Bee ou Nikki pour les Masoko. Ma chérie, tu sais bien quel effet tu as sur moi. Quand une femme rentre dans ta tête, elle a les pleins pouvoirs. Ma chérie, tu sais bien quel effet tu as sur moi. Quand une femme rentre dans ta tête, elle a les pleins pouvoirs. Oh. Écoute-moi, petit bébé. Après ta grossesse, redeviens comme je t'ai trouvé. J'suis égoïste, je le sais. Mais le corps que j'ai marié, là, faut le retrouver. Tu parles sur moi, tu me connais pas. Et même si tu me connais, c'est fermer sa gueule, c'est gratuit. Et la gratuité, tu connais. T'es toujours derrière moi, mon ombre peut témoigner. Si je me retourne pas, c'est parce que derrière moi, c'est le passé. 2018, on fait la guerre avec sa carte de crédit. Si t'es contre mon frère, t'es contre moi, c'est déjà écrit. Tu cherches la plus fraîche, mais la plus fraîche, elle se mérite. Génération dans le noir, on veut pas connaître l'interdit. On veut pas savoir. Pour nous, rien n'est interdit. Je dis qu'on veut pas savoir. On veut pas connaître l'interdit. On veut pas savoir. Pour nous, rien n'est interdit. Yeah. Qui peut te dire t'as pas raison? Si tu réussis ta vie, ça veut dire t'avais raison. Le rêve africain, c'est Phoebe, des petits, une femme qui t'auro. T'as des mannequins à Queen Bee ou Nikki pour les Masoko. Yeah. Qui peut te dire t'as pas raison? Si tu réussis ta vie, ça veut dire t'avais raison. Le rêve africain, c'est Phoebe, des petits, une femme qui t'auro. T'as des mannequins à Queen Bee ou Nikki pour les Masoko. Ma chérie, tu sais bien quel effet tu as sur moi. Quand une femme rentre dans ta tête, elle a les pleins pouvoirs. Ma chérie, tu sais bien quel effet tu as sur moi. Quand une femme rentre dans ta tête, elle a les pleins pouvoirs. Oh. C'est toujours le prince d'âge. Moi, Namboka. Je vais vous apprendre à compter en lingala. Vous êtes prêts ou pas? Ça fait 1, 2, 3. Moko mi balé mi satou. Yay! Bah alors, t'attendais pas à ça? Hey. Tornado. Ça sert à rien de te cacher, nous on aura ta peau. Même si tu t'enfuis sur la lune, nous on aura ta peau. C'est aujourd'hui que tu vas payer, sur ma mère que tu vas payer. Aujourd'hui que tu vas payer, sur ma mère. Sur ma mère que tu vas payer, tu vas payer.